Je te parle de ma vie ou de ma vie. Le partout c'est la même, les jeunes se perdent. Pour je ne sais quoi, comment veux-tu que je te dise que tout cela me plaise. T'as beau être le plus balèze de ta bande, jour après jour la vie te blesse. Bref, le regard vide, les nerfs à vif. J'ai le seum de voir que la rage nous empoisonne sans demander notre avis. Grandi dans la rue, là où le vice pousse certains à faire n'importe quoi. Quitte à vendre, c'est bien juste pour foutre son nez dans la cam. Mais putain, mec, réfléchis bien et lâche cette merde. En conséquence, tu n'auras que ces gueules et problèmes. Et puis tu feras verser des larmes sur les joues de ta mère. De toute façon, j'ai pour me plaindre, mais partout c'est pareil à ce qu'il paraît. On vit tous la même chose de Boulogne à Marseille. Sérieux, la vie d'ici, je la déconseille, surtout aux âmes sensibles. Je suis censé dire que la vie est belle, mais désolé, ici tous les matins, le mot espoir se jette par la fête et se suicide. Mais le plus gros des soucis, c'est que je vois les darons faire de la peine. D'entre mes contents face à la fiche de paye. Pire les voir dans un sale état et ressentir le mal de vivre du haut du 14e étage. Putain quelle sale époque, aujourd'hui on se traite et se tire dessus. Alors qu'hier encore on était potes, on était potes. En bois des HLM, en bois du quartier, sont cachés les haineux. Du bâtard au quartier, c'est que vite à main. RAG pour un cible. Le 6-2 c'est la plaque, PSM c'est la vie. En bois des HLM, en bois du quartier, sont cachés les haineux. Du bâtard au quartier, c'est que vite à main. RAG pour un cible. Le 6-2 c'est la plaque, PSM c'est la vie. Ma vie est un cycle brûlant comme la cire. Le Vosser nocif, les nerfs à l'acide. Le week faut qu'on tisse, faut kicker les soucis. J'en ai plein dans mes yeux, j'en perds les sourcils. Le beat est lancé, violence et l'enseigne. Les barbares de l'époque sont pour nous des ancêtres. La crainte des armes, nos mères sous les larmes. Comme beaucoup dans la vie, je suis tombé sur des larches. Le cycle bâtard, ça pue les bagarres. On te boit les barman, on a peur des pas-balles. Jugé à l'allure quand la mèche s'allume. Les médias nous appellent l'armée des sales rues. Je t'invite au passage, voyou au parka. Incapable de parler sans sortir une patate. Message passé, c'est la vie dans nos murs. Si je pouvais, je la changerais. Et quartier dans vos yeux. En bois des HLM, en bois du quartier, sont cachés les haineux. Du bâtard au quartier, c'est que vite à main. RAG pour un cible. Le 6-2 c'est la plaque, PSM c'est la vie. En bois des HLM, en bois du quartier, sont cachés les haineux. Du bâtard au quartier, c'est que vite à main. RAG pour un cible. Le 6-2 c'est la plaque, PSM c'est la vie. Élevé par la rue, j'ai côtoyé les embrouilles. J'ai grandi en un go, j'ai appris la débrouille. Ici c'est dans Harry, même où sont nos cafouilles. Un bad boy comme Tony, on sait qu'à où est Tony. On perd des mondes amigos. Nene standance, c'est fait des bois de périgos. J'prends et j'ai la pensée aujourd'hui. A mesma história continua. Vejo homens drogados na esplanada. Homens bêbados na calçada. Eu vejo boi dedicado, ao mesmo tempo não vejo nada. Quem é este dreda que está comendo no lixo? Quem é este garoto que não tem mata bicho? Bem-vindo chez les patois. Separei que chez les chiles. Jeunes boivent do whisky pour oublier leurs soucis. Ici on voit la vie à l'envers. Je vois un jeune garçon avec un revolver. Je vois la jalousie dans les yeux de ces petits. Dont Harry égale Jacob Vitama sur le même titre.